J'ai des sentiments aussi, moi. J'aimerais savoir si ça va durer plus de 6 mois. Tu floues mon esprit, je deviens fou quand je te vois. Continue, je t'en prie, dans tes filets, je supprime. C'est la panique, automatiquement. C'est la chaleur, c'est magique. Mais moi, j'en vois de toutes les couleurs. J'essaie des tactiques, je m'applique. Tu pars avant 10 heures, je pars flegmatique. Mais ça pique à l'intérieur, tu veux que je te cours après. Hors de question, je suis pas très course à pied. Ni marathon, on a passé de bons moments. Ils resteront nôtres, mais si ce n'est temporairement. Je ne veux pas de la femme d'un autre, j'ai trop d'estime pour ma personne. Et pour les femmes fragiles, pour que l'amour que je donne ne soit pas fertile. L'espéreur que je suis ne croit pas aux causes perdues, mais à du vécu. Tu me veux vraiment, organise ta vie avant. Organise ta vie avant. Parce que pour moi, c'est chaud. Et ouais, être l'amant d'une belle femme, c'est bien, mais c'est plus fatigant qu'on ne croit. Il faut se cacher, pas de projet de miocher. Puis dans les rangs bien marcher, sous peine d'être amoché. Mais quand les sentiments s'enflamment, malin si t'arrives à rester sur la voie. Trop perturbé, t'as besoin que l'on t'aime. Tu sais que tu te fais entuber, mais tu y vas quand même. Être l'amant d'une belle femme, c'est bien, mais c'est plus fatigant qu'on ne croit. Il faut se cacher, pas de projet de mioche. Et puis dans les rangs bien marcher, sous peine d'être amoché. Mais quand les sentiments s'enflamment, malin si t'arrives à rester sur la voie. T'es trop perturbé, t'as besoin que l'on t'aime. Tu sais que tu te fais entuber, mais tu y vas quand même. Tu ne vois pas leurs pleurs, car les gars de Joe se cachent pour pleurer. Ils se cachent pour pleurer, mais deviennent fous en silence. Sous, à outrance et tout ça, sous l'apparence d'un sourire vague, de style de blague. C'est tout ça sous l'apparence d'un sourire vague de blague. D'autres manigances écartent ta méfiance. Salut bébé, tu danses, ils font style, ça va aller. Mais faut c'est leur assurance. Depuis l'enfance, ils vivent dans l'ignorance. Compare leur cœur et leurs finances. Ça n'a aucun sens quand je rappe, c'est pour pas devenir fou en silence. Parfois je pète un plomb, mais je dis rien, je m'appelle pas Gillette. J'ai ma discrétion au masculin, on s'étonne que ça cogne. Entre gars ça cartonne, c'est vrai que ça sonne quand la folie s'empare de certains. À force d'accumuler, ton esprit se met à spéculer. Ton cerveau, ton habile très vite se sent acculé. On trouve que tu déconnes, mais tu ne veux pas calculer. Certains te raisonnent, mais qu'ils aillent tous se faire enculer. On se cache pour pleurer, mais on est fou en silence. Sous, à outrance et tout ça sous l'apparence d'un sourire vague, de style de blague. La face est rénovée, mais le cœur est un terrain vague. Et la folie t'alpague. tu deviens complètement gaga. Écoute du raga raga, mais continue à yebra. Et tu fumes comme un mécra, des putains de quantités. Tout noir dans la ganja, ne peut plus te limiter. Fou en silence veut dire, difficile de faire pire. Tu commences à mentir, peu de chance que tu t'en tires. On prend tout dans la bouche, boulot difficile pour le cerveau. Les fils se touchent et la mâchoire devient un étau. Thank you.